parallèle. Je réponds pas à l'appel, je travaille avec l'appel. La France nous veut pas qu'elle s'inquiète pas, on ne veut pas d'elle. État cruel, état critique, les gendarmes on les nique, les huissiers et les flics, les gens pauvres on les flics. Pays de l'Est et Afrique, tous le même but, réfute les petites putes qui baissent leur fut. Futal vraiment tout sale, brutal vraiment normal. Marre de veiller, à rêver du billet, voir nos potes briller dans le micro crier. J'y ai pensé, notre musique n'est pas faite pour danser, juste recenser tous les mecs sensés. Je représente la dèche, ceux qui mouillent pas la mèche, les piliers qui me soutiennent. Je représente mes poches trouées, la vie de tous ceux qui subissent, ceux qui font la guerre aux suspites, aux racistes. C'est le cœur qui parle, que les faux subissent. On est là et on reprend la relève, et on révèle de nos lèvres le réel quotidien de merde. Éternelle galère en bas de la rue. Sors de chez toi, parce que l'on nous cache et perce les yeux. On perd des rêves, des souvenirs, on voit des loups venir. On en a tous au moins un, chacun ses peines. Mais tout le monde s'engraine, chacun ses stress. Mais en fait tout le monde s'engraisse, tout le monde s'entête à collecter de la richesse, de vouloir se taper des fesses à vexer leurs proches. Eh ben putain c'est moche, je décroche de cette mauvaise partie. J'en reviens pas, mais en fait faut en partir. Parce qu'il n'y a pas de paradis ici, pas de belle vie. Que de la trim et de la frime, des kills qui tournent, des flics et des bracelets. On voit les visages se fêler, qui reflètent la misère, qui regrettent la vue. Putain de merde, c'est la guérilla, pas de produits chimiques mais des ferias. Faire frémir les oreilles de tous les guerriers. Sortez des terriers, armés comme des guerriers. Coup de hachette sans pitié, censé représenter ce drapeau français. Allez vous faire enculer, histoire d'arrêter de me casser les couilles. Putain de merde, l'enfer est ici, dommage pour vous, je reste pas assis. Allez expliquer ça à la belle Sandy, à peine 20 ans et crois m'apprendre la vie. Putain de merde de paperasse, oblige d'écouter ces conneries à deux balles. Tout ça pour un peu de liasse, ou trouver un mauvais taf.